en direct des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. C'est les Palmarès C'est Fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 3 au 9 août 2007. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures ce soir de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. On a quelques nouvelles entrées. Du côté francophone, la 14e est occupée par Matt Fuzz avec Montréal en canicule. Et la 15e, c'est Les Amis au Pakistan avec Mon Soldat de Plomb. Du côté anglophone, la seule et unique nouvelle entrée, c'est Interpol avec The Heimlich Maneuver. Mais on commence par la 15e francophone tout de suite. Voici une nouvelle pièce des Amis au Pakistan, Mon Soldat de Plomb. Au Palmarès, c'est fou, 89 FM. sings on the West Coast. I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the West Coast? Oh, I'd move heaven. Je suis juste un peu dans ma sens. good idea. It's a good idea. It's a really good idea. You guys are so cute. I think we'll be together. And you look really good in photographs. Can I borrow $5? I gotta snap, out of it. I gotta snap, out of it. I gotta snap, out of it. I gotta. Les 14e et 15e positions des palmarès de cette semaine. On va entendre la 14e position anglophone, Two Hours Traffic, avec Nighthawks qui descend de la 6e. Juste avant, c'était la 14e francophone, Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule. C'est une nouvelle entrée de son EP. En 15e anglophone, c'était Interpol avec The Heinrich Maneuver de leur album Our Love to Admire. Et avant, c'était le 15e ou même la 15e francophone, Les Amis au Pakistan avec Mon Soldat de Plomb. Leur album s'appelle Espace Libidinal. Voilà donc back-to-back. Dos à dos, vos 14e et 15e positions. On est rendu à nos 13e, mais plus tard dans l'émission, voici un avant-goût de ce qui s'en vient. Il va y avoir entre autres mon coureur de la semaine, de la chanson au coureur, c'est de Polyphonic Spree, et c'est non, c'est très bon. Il n'y a pas vraiment de jeu de mots à faire avec ça. C'est pas une joke, tu sais. Hein? C'est sérieux. On a aussi quelques vieux classiques de C'est Fou. Tout ça, il y a un paquet de plaisir et d'autres chroniques comme ailleurs dans les palmarès plus tard. Mais avant, voici nos 13e positions. Du côté anglophone, on retrouve nos amis de chez Bad Religion avec Heroes and Marchers. Mais avant, voici la 13e francophone. Les Concassés et la mort du rock au palmarès C'est Fou 89 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Ça tombe creusé, manque rien que Bad Religion avec Heroes and Marchers, la 13e position anglophone remontée de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière et juste avant, c'était du côté francophone. Les Concassés avec La Mort du Rock qui remonte d'une place. Je dis que les pièces sont très très courtes cette semaine. Hein? C'est vraiment très très court. En fait, je pense que l'autre pièce n'était pas une nouvelle entrée la semaine dernière, mais bien que de deux semaines. Petite erreur de ma part. On est rendu à nos 12e positions. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès parce que pour les non-initiés, les palmarès, c'est fou. C'est autre chose que seulement la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Le top 15 francophone et le top 15 anglophone. C'est aussi le top de la musique loud et le top 30 des albums en général. Commençons par le top 10 loud dans ce bloc. Commençons par les nouvelles entrées, même. Waouh, il n'y en a aucune. C'est super bien. Numéro 3, c'est stable pour Alford et Metal God Essentials Volume 1. En deuxième, c'est stable. 11e semaine de présence pour Megadeth et United Abominations. Et en première, c'est aussi stable. 7e semaine de présence pour Paradise Lost de Symphony X. Le top 3 des disques canadiens que je n'ai même pas mentionné en introduction. Nouvelle entrée en troisième pour Joel Plaskett Emergency avec Ashtray Rock. En deuxième, l'ancien numéro 1, 8e semaine pour Metric avec Grow Up and Blow Away. Et en première remontée de 2, c'est Pride Tiger avec The Lucky Ones. On fera le top 30 des albums tantôt, un autre tantôt, mais tout de suite à l'entendre, nos positions numéro 12 du côté anglophone, c'est United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks. Mais tout de suite, voici la 12e francophone, c'est Udon Placard et Lanterne Chinoise au Palmarès C'est Fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui au 89.1 FM. Dans le noir ensemble, dans le noir. sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. Put out that smoke, don't need no explosion. Fire an order, start steering some foam. Let's breathe some life in this pile of junk. She's a long walk home and the air is heavy. Wanna see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds off the back of my brain. Mexican bikes all racked with pain. Small town banks and the wrong man blamed. I can't remember last time it rained. Dipstick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. It ain't the bells, well, they scream louder. Back of the block, check the wire to solder. Jackals in a notch by the blade. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down alone, these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. One, two, three, four. Firm to the arm on the manifold. Duct tape, scissors, and a brand new fold. A vice grip, same metal wire. Always think at home on a rim and a tire. She fires life falls. Red stripe, thank God for that rusty old kitchen knife. Got pulled out, heaved in the ditch. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Slow down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first hand gun man. What a story told by a friend of Ted Helps and Jim Lovey. Je pense que personne pourrait me contredire si je dis que Les Palmarès c'est fou, c'est l'émission avec la plus grande variété musicale qui est en onde en ce moment et pas mal n'importe quand. Et c'est fou, est la station la plus diversifiée. Hein? C'est vrai. Quand même, du folk country. Alors, on vient d'entendre la position numéro 12, anglophone, c'est United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks, qui remonte de une place. C'est deuxième semaine de présence pour l'album Kerosene and Coal. Juste avant, c'était Udon Placard avec Lanterne Chinoise, remontée elle aussi d'une place et elle aussi deuxième semaine. Les pièces se suivent, mais se ressemblent pas vraiment, comme vous l'avez vu. Même chose pour nos 11e qui sont stables, mais avant de faire ça, je vous ai promis tantôt de continuer notre chronique ailleurs dans les palmarès. Regardons un petit peu le top des albums. Le top 30 des albums en général. Quelques nouvelles entrées de ce côté-là. Je crois que non. Wow. Oui, une en 13e position. C'est Interpol avec Our Love to Admire. Ensuite, le top 3 remonté d'une place pour Shit Disco avec Kingdom of Fear. En deuxième, descente pour lancer numéro 1, Klaxons et Myths of the Near Future. Et en première, remontée d'une place, 16e. Imaginez 16e semaine de présence pour Rise de la formation The Answer. Ça va très, très, très bien pour cette formation et on est très contents pour eux. Comme pour tous les artistes qui figurent sur le palmarès, parce que c'est un honneur incroyable. 11e position du côté anglophone. On s'en va entendre. Bradley avec Girl on TV, c'est très très stable. 3e semaine de présence. Mais tout de suite, voici Corrigan Fest. Et la victoire en chantant au palmarès C'est fou à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. Et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes, répondre à l'appel des résistants d'Espagne, venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'entends-tu pas au loin le chant des partisans, elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Et le reste du monde, le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattons sans drapeau, devenus clandestins, reste nos idéaux. Allez, pac, pac, si la nuit est tombée sur une Europe chancelante où l'Espagne a croulé, il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'entends-tu pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'entends-tu pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Retour, Bradley, les prostitutes et Artist of the Year au Palmarès, c'est fou. Bradley, la 11e position anglophone, c'est stable. 3e semaine de présence. Et juste avant, c'était la 11e francophone, Corrigan Fest, avec la victoire en chantant, tout aussi stable. 5e semaine de présence de leur côté. Plus tard, on va attendre au 10e, 9e, 8e, jusqu'au 1er. C'est quand même comme ça que ça fonctionne, on peut m'arrêter fou. Hein? Donc, on va entendre des artistes tels que Tricot Machine, Plasticine, Jacques Mort, La Loi des Cactus, Joel Plaskett, Emergency, Megadeth, The Answer, Shit Disco. Tout ça plus tard, mais avant, on continue. Ça va très bien. Pourquoi arrêter là? Du côté anglophone, on s'en va entendre notre position numéro 10, c'est Artist of the Year, que j'adore, avec Yes, c'est une remontée de 2 places, mais juste avant, voici la 10e francophone. C'est les prostiputes au palmarès, c'est fou, au 89.1. Ils ont l'air mal. Christian devient l'un d'eux, tranquillement. Si elle vise Artist of the Year avec Yeah dans les palmarès, c'est fou. C'est la position numéro 10 anglophone, remontée de 2 places pour Artist of the Year, donc remontée de 2. C'est toujours bon, ça, ça va remonter au sommet. Ça. Moi, j'ai des bonnes impressions sur cette pièce-là. Justement, c'était juste n'importe quoi. Du côté francophone, les prostitutes avec New Wave Kids qui remontent de 5 places, deuxième semaine de présence. Sex en stéréo, c'est le nom de leur album. On est rendu numéro 9. Et comme ça, ça me tente d'un coup sec de vous parler de ce qui se vend le plus cette semaine au Canada. Parce que vous savez, il y a encore des gens, je le dis souvent, qui achètent des morceaux de plastique et l'échangent, tu sais, contre des billets d'argent qui ont une valeur. Ça arrive encore aujourd'hui. Les nouvelles entrées, tiens, 25e position pour Young Modern avec Silverchair. La formation Silverchair en 17e, c'est Prince avec Planet Earth. Et finalement, 4e, c'est Tegan and Sarah. Ah, oh, j'adore Tegan and Sarah avec The Con. 3e position, descente de 2 pour Bon Jovi avec Lost Highway. 2e, c'est Sab pour Rihanna et Good Girl Gone Bad. Et en première, c'est une nouvelle entrée aussi pour Sum 41 avec Underclass Heroes pour la semaine se terminant le 2 août selon Nielsen SoundScan. Et c'est au Canada, seulement. Du côté de la musique la plus téléchargée sur Internet, 5e position, on retrouve Akon avec Sorry Blame It On The Quelque Chose. En 4e, c'est Big Girls Don't Cry, Quelque Chose de Fergie. En 3e, The Way I Are de Timbaland. Et en 2e, Stronger avec Kanye West. Le numéro 1, la pièce la plus téléchargée, c'est Beautiful Girls de Sean Kingston. Voilà pour les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes. Alors que nous retournons à nos palmarès. C'est fou parce qu'on est rendu à nos 9e position. Du côté anglophone, c'est National Parks avec Border Patrol. Mais tout de suite, à l'instant même, voici Pépé et Bobette Bob au palmarès. C'est fou, 89.1 FM. Ça arrive pas souvent que je sors pour m'acheter des bobettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la caquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Je voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes vieilles bobettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. J'attends jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Pépé avec Bobette Bob, et tout de suite, voici notre position numéro 9 anglophone, c'est National Parks avec Border Patrol. Vous écoutez la musique de demain aujourd'hui à C'est Fou 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Les palmes, hein? Les palmes. Drums down in Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. I beat my drums down in Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drums down in Mexico to Tijuana. Tijuana, here we go. I beat my drums down in Mexico. Cause the Border Patrol ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5-5. We pack our homes. Wiggity-wigga. We leave the bones. Wiggity-wigga. We play the roads. Wiggity-wigga.

C'est la position numéro 9 anglophone, remontée d'une place. Ouais, leur album, c'est Timber Vision. Très, très, très fort. Juste avant, du côté francophone, c'était Pépé avec Bobette Bob. Vous aimez l'underground? Vous écoutez C'est fou, donc c'est sûr que vous aimez la musique qui est un petit peu moins écoutée, mais qui est sûrement pas mal meilleure que la plupart du stock qui se passe ailleurs. Mais il n'y a pas que nous qui parlent de musique underground. Il y a aussi Radio-Canada, vous connaissez Bande à part, qui dit obsédés musicaux, assumez-vous. Hein, bandeapart.fm. Ils ont une émission à Radio-Canada. Ils ont un site web, ils ont une radio sur satellite. Ils ont tout ce qu'il faut. Voici donc leur palmarès, d'accord? Cinquième position, on retrouve notre ami Patrick Watson, on l'aime beaucoup, son album Close to Paradise, la pièce The Great Escape. En quatrième, une autre formation qu'on a fait jouer très récemment, Moussette, leur album c'est Rest on Lumière, avec En train de saigner. En troisième, ADN, avec l'album c'est Dans mes gènes, il me semble que c'est un album de rap, ça. Rien à foutre des contraintes. En deuxième, c'est Ginette, avec la pièce de l'album Taxi Mickey. En première, c'est Bivouac, une autre pièce, une autre formation qu'on adore, que Kiwan fait jouer pas mal souvent, en tout cas l'album Touche du bois, à l'émission La dernière porte à gauche, les vendredis soirs à 20h et les samedis et mardis à 17h. Donc la pièce Aujourd'hui, je suis en vie, et au numéro 1 de bandapart.fm. Voilà qui vous met un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'underground autre qu'à C'est fou. En retournant à notre underground, qui est un petit peu moins underground, un petit peu. Donc, on est rendu... je regarde l'heure, là. L'heure avance vite. Il me semble que je pense qu'ils ont peut-être changé le système d'heure. Là. Juste ça de même, mais je pense. C'est l'heure du coureur de la semaine, présenté par La Chance au coureur. J'avais oublié que j'avais allongé le début. Ça. Ah! Ça me laisse à bien d'arriver. C'est le coureur de la semaine présenté par La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Et cette semaine, c'est The Polyphonic Spree avec l'album qui s'appelle The Fragile Army. C'est absolument génial. Tout de suite, voici la première pièce de l'album, l'intro Together We're Heavy, suivi de Running Away dans le bloc coureur de la semaine présenté par La Chance au coureur au palmarès. C'est fou et restez là. Des gens beaux. Sympathique. D'autres choses. Aidez-moi un petit peu parce que. Fin. C'est ordinateur. J'essaie de lire ces lettres. Fali Filimu. Extra-cœur. Extra-cœur. Restaurateur. DJ. Je pense que ça fait le tour de leur. Ils ont des cornes. Non, ils ont des omelettes sur la tête. Un bol. Mange la salade. Ils tiennent une torche. Gay, gay, gay. Ah, gay, ah. Yeah. pense que Simon va tuer quelqu'un bientôt, là. Comment ça? Il s'est coupé le doigt après lui-même, tu sais. Mais... ça pourrait mener à des choses. Mais t'as pas vu ce que mon frère s'est fait à jambe? Qu'est-ce qu'il y a? DJ King King. Oh, j'ai eu 20 points de suture sur la jambe. Non. Oui, je me suis planté en moto. Wow. C'était violent, c'était... C'était pas si pire. Ouais. C'est le coup, c'est après que c'est violent. Ouch. Tu me montres ça? Ouais, volontiers. Mais wow. Faites attention, là, je saigne un peu, puis ça peut revoler. Fait que vous avez tous vos lunettes. Ben oui, mettez les lunettes de sécurité. Ah, c'est pour ça que je suis extrêmement pissou, parce que je veux pas me faire mal, fait que je fais rien. OK, donc, c'était... On vient d'entendre notre coureur de la semaine, c'est The Polyphonic Spree, avec leur album The Fragile Army. On a entendu trois pièces, Together We're Heavy, Running Away et Get Up and Go. C'est de leur très, très bon album, donc The Fragile Army. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le site de La Chance au coureur sur lunechance.com, parce que le coureur de la semaine, c'est l'album que l'équipe au complet de La Chance au coureur, genre moi, a choisi comme étant le meilleur le meilleur album de la semaine. C'est mieux que rien. C'est pas mal. Ben, c'est à peine mieux que rien. Je suis juste une petite cochon. Ouais, OK. La Chance au coureur, l'émission des découvertes musicales, c'est le vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à 14h. Donc voilà qui fait le tour pour ça. Et c'est aussi par le fait même... la fin de la première heure de Des Palmarès, c'est fou, votre émission, là. C'est là. Oh oui, celle-là. Celle-là qui s'est en train de finir, là, c'est la première heure. On va résumer à trois. Oui. Nos positions numéro 15 jusqu'à la 9e. Je vais laisser commencer King King Fanfan par les 15e positions jusqu'à la 8e francophone, tiens. Jusqu'à la 9e. Alors, en 15e position, on avait Les Amis au Pakistan avec Mon Soldat de Plomb. En 14e, Matt Fuse avec Montréal en canicule. En 13e, Les Cons Cassés avec La Mort du Rock. En 12e, Udon Placard avec La Lanterne Chinoise. 11e, Corrigan Fesse avec La Victoire en chantant. En 10e, Les Prostiputes avec New Wave Kids. En 9e, Pépé et Bobette Bobs. Et voilà, wow! Du côté anglophone, Simon. Oui, nouvelle entrée cette semaine, 15e position avec Interpol de The Enrich Maneuver. C'est-tu de même? Enrich Maneuver, ouais. Ouais, t'es meilleur comme moi, là. Je suis même pas sûr de moi-même. Ouais, 14e position, Two Hour Traffics avec Nighthawks qui est redescendu pas mal. 13e position, Bad Religion avec Heroes and Martyrs. 12e position, qui était en 13e la semaine dernière avec United Steelworkers of Montreal, Small Town Banks. 11e position, on avait Bradley avec Girls on TV. Puis 10e position, on avait Artist of the Years avec Yeah. Et finalement, 9e position, qui était en 10e position la semaine dernière, National Parks avec Border Patrol. Et voilà, ça c'était notre première heure dans la deuxième heure des palmarès. C'est fou, restez là parce qu'on va entendre entre autres Air, Plasticine, Olinéa, Symphony X, oui, Joel Plaskett Emergency. Et c'est presque l'orgasme musical, ça. Ouais. Au palmarès! C'est fou, 89 points. Bon retour, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 3 au 9 août 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Simon B. Veilleux. Et je m'appelle DJ King. Oh yeah, le stagiaire par excellence de C'est fou. He's here now for you. juste pour vous, comme toute la musique qu'on vous passe ce soir, parce que les palmarès C'est fou, c'est la meilleure musique que C'est fou vous offre à chaque semaine. Hein? 15 positions anglophones, 15 positions francophones. C'est que beau. Ouais, c'est ça. Que beau, que fin, que... On pourrait répéter toute la liste d'adjectifs de tantôt. Ouais, mais... Ça sent c'est, bon. C'est juste dire « wow ». Wow! Hey, notre stagiaire s'en vient bon, hein? Ben oui, il commence à... Dans l'expérience, oui. D'assurance, oui. Il s'en vient king. Ben, son nom va être mérité un ben, jour. Ben, j'espère. Pour l'instant, c'est comme... Ouais. Prétentieux un peu. Ouais, un peu. vous avez remarqué qu'à chaque semaine, au palmarès, rotation de différents co-animateurs comme ça, c'est pas des auditions, c'est du mixing up de gens pour avoir le plus de variétés possible. Hey Mathieu, tout à l'heure, je me suis trompé en amant la 10e position trop vite? Non, je pense pas. On a passé... c'est fait, on est rendu au 8e, en fait. On est rendu là? Ah, ça avance vite, hein? Hey, t'as fait ça vite sans nous. Snap d'indan. Mais là, on le Big sait. Big bang, pat-pat. On est rendu à 8. C'est ça. Du côté anglophone, la 8e position, c'est Symphony X avec Eve of Destruction. C'est bien ça? Seduction. Seduction. Production. Production. Califlogiction. peux flagistin, tu? Mais en francophone, mettons. Voici Tricomachine et l'ours au palmarès C'est Faux 89.1. La radio campus de Trois-Rivières. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. Et l'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour, c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance. Dans l'allée d'un champ de bédin shooté. Tricomachine avec l'ours, une pièce de leur album éponyme. Tricomachine, c'est toujours très excellent et c'était la 8e position francophone. Maintenant, Simon, DJ King, moment fatidique de l'émission. À chaque fois qu'on a une entrevue, c'est gros. C'est big. Ça sent bon. Oui. Et on a quelqu'un de la formation The Brick avec nous, Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va absolument bien. Donc, Mathieu, Simon et DJ King, on va demander des questions comme ça au hasard. On va s'amuser. OK? Donc, The Brick, nouvel album Parlez moins, chantez plus. C'est la raison de ta présence avec nous pour parler un petit peu de ce nouvel album-là. Mais avant, pour les gens qui ne connaissent pas The Brick, qu'est-ce que c'est? The Brick, groupe punk rock montréalais? Ouais, celui-là, ça, ouais. The Brick-là. Francophone. Pas le magasin, non, c'est ça. Francophone. Non? Pas le magasin. Parce qu'il y a un magasin qui s'appelle comme ça, c'est pour ça. OK, oui, c'est vrai. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Ah, c'est correct. J'allais dire, il n'y a pas de télé qui vienne avec votre album. Je te comprends vraiment pas bien. C'est correct, oublie ça. Parle-nous de The Brick. Qui sont les membres? Qu'est-ce que vous faites chacun dans le groupe? Alors, moi-même, JP, la guitare. On a Matteo à la voix et à la basse. Et Jim, notre ami, à la batterie, qu'on a recruté un peu plus tard. En fait, c'est Matteo et moi-même qui avons initié le projet. Et Jim s'est joint à nous quelques mois après. OK, donc vous avez commencé quand? The Brick est né, je te dirais, s'il faut mettre une date, là, mettons septembre 2005. OK, donc c'est très récent, vous êtes tout nouveau, vous commencez à percer, si on veut. Oui, tout à fait. En fait, grâce à C'est Fou, entre autres, des radios comme vous qui nous passent pas mal souvent. Donc le Québec commence à nous connaître pas mal, puis là, on commence à voyager, aller faire des shows un petit peu partout. Mm-hmm. Ben justement, et la magie se fait à ce moment-là. C'est bon. Tu parlais de C'est Fou et des autres radios universitaires du Québec qui jouent aux pièces à profusion, presque non-stop. Qu'est-ce que vous pensez en tant que groupe ou qu'est-ce que tu penses en tant que personne des radios universitaires et communautaires par rapport aux radios commerciales? C'est super le fun parce que tu peux rentrer, tu as l'occasion en fait d'écouter des choses assez, assez spéciales qui ne rentrent pas, comme tu dis, spécialement dans les radios commerciales. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que tu as plusieurs clivages qui se font. Tu as certaines radios qui vont il faut absolument que ça sonne vieille cassette enregistrée dans ton garage, sinon ça rentre pas dans le son. Puis ce qu'on trouve aussi un petit peu dommage, c'est que il y a une genre d'obligation de passer les groupes rapidement. Tu n'as pas spécialement le temps d'apprendre à connaître un groupe à travers ces radios. Mm-hmm. Fait qu'on trouve ça le fun parce que ça ouvre sur d'autres choses que ce qu'on entend à la radio, commerciale. Mais on trouve que c'est pas mal clivé. T'sais. Fait que, t'sais, mettons, c'est fou, on est très contents, puis c'est assez rock, je dirais. Je pense pas que je me trompe. Non, c'est vrai, on a beaucoup de styles, mais rock est un des styles qu'on joue, oui. C'est ça, mais tu sais, tu vas voir des radios qui, bon, mais il faut que ce soit lo-fi ou il faut que ce soit un style ou un autre, absolument. Un format. Allô? Oui. Allô? Non, je disais que les radios, la plupart du temps, ont un format en particulier, donc doivent se tenir à un style de musique en particulier, contrairement aux radios universitaires qui jouent des styles plus diversifiés. C'est ça. Ben en fait, c'est ce que l'image de des radios souvent représente, les radios universitaires, on parle. Puis après ça, ben t'as des émissions plus particulières qui là vont vraiment tirer un petit peu partout. Mais si t'écoutes les palmarès, entre autres, les 5 à 6, tout ça, ben là, il y a certaines images. Je pense surtout aux radios que je connais. Moi, je suis plus à Montréal. CISM va être vraiment une image particulière. Puis si tu rentres pas dedans, tu vas peut-être être dans certaines émissions que certains animateurs vont apprécier particulièrement ton style, mais sinon, ça va s'arrêter là. Mais dis-moi donc, Zébrick est un jeune groupe quand même. Est-ce que Zébrick pense un jour aller vers des radios plus commerciales ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout parce que c'est vraiment ciblé? Non, pas particulièrement. Je dirais qu'on va aller là où les gens nous aiment. Fait que... C'est où va le vent vous mène aussi, dans le fond? Pardon? Où le vent va vous mener? Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas pour nous, c'est pas une obligation là de. C'est pas un but ultime d'arriver dans la radio commerciale, d'arriver. C'est pas pour ça, là, Zébrick. C'est vraiment une question de se faire du fun ensemble, puis de jouer de la musique qu'on aime. C'est les gens qui nous passent, qui nous écoutent, qui apprécient ce qu'on fait, on est bien contents. Plus il y en a, plus on va être heureux. Mais on va pas, on cherche pas particulièrement à attirer les radios commerciales. Il y en a qui nous jouent, il y a Choix à Québec, entre autres, qui nous jouent beaucoup. Okay. Le réseau Énergie, plus à Montréal, puis eux, ils nous prennent pas. Bon, ben, tu sais, c'est leur choix, puis on vise pas particulièrement ça. Non, non, il faudrait que vous soyez membre de Star Academy, probablement, pour aller vers Radio Énergie. Ouais, c'est ça. On est bien contents d'être assez fous à la place. Ouais. Ça permet d'écouter des palmarès qu'on aime anyway. Il fallait qu'on écoute les palmarès de CKOI à Montréal. On trouverait ça pas mal plate. Ouais, c'est différent. Alors, écoute, quand ils vont être rendus à nous prendre, sûrement qu'ils vont avoir d'autres choses qui vont jouer en même temps puis qui vont être agréables. Donc, vous êtes basé à Montréal, tu dis, c'est ça? Le groupe est basé à Montréal? Oui, tout à fait. Est-ce que vous sortez souvent de la ville? Est-ce que vous avez fait beaucoup de spectacles hors Montréal? Oui, ben on sort assez souvent. Écoute, en fait, les radios à Montréal nous boudent un petit peu. Oh. Nul n'est prophète en son pays, blablabla. Le slogan, parfait. Ben écoute, en fait, il y a énormément de groupes à Montréal. Alors, c'est un peu difficile là, de se faire une place. Puis il y a des très bons groupes de très bonne qualité. Il y a plein de salles qui font des spectacles. C'est, je te dirais que c'est pas mal saturé. Moi-même, c'est nous, quand on joue, à chaque fois qu'on joue, il y a comme 2-3 spectacles qu'on aimerait aller voir en même temps. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui joue de la musique, puis il n'y a peut-être pas assez de monde pour aller l'écouter. Est-ce que tu trouves que Montréal est snob côté musique? Est-ce que tu crois que les artistes qui sont populaires, ils s'en tiennent à casse et ont de la misère à découvrir des trucs plus underground? Ouais, je pense vraiment, je pense que oui, sérieusement. Là, écoute, il y a une grosse vivacité d'artistes qu'on peut dire indépendants. Mais je sais pas, je considère pas vraiment. Ils sont indépendants dans le sens qu'ils font pas partie des grosses majors américaines. Mm-hmm. Mais je dirais qu'il y a comme une couple de grosses étiquettes puis gros distributeurs québécois puis qui tiennent Montréal bien fermé puis tu rentres pas. Là, c'est ouais. Il y a un certain snobisme là, au niveau du son puis de comment tu dois sonner à Montréal. qu'on retrouve pas ailleurs, comme à Trois-Rivières, je dirais, ou Sherbrooke, ou Québec, tout ça. Hein. Comme vous, Zébric, avez-vous sorti de la région de Montréal, dans le fond? Avez-vous fait quelques festivals cet été, ou allez-vous en faire l'été fini, là, mais avez-vous fait ça? Oui, on est sorti de la région, pas mal, mais festival, non, parce qu'en fait, nous, l'été, Mathéo et moi-même, on a des travails qui respectifs, qui fait qu'on a besoin de nous au travail l'été. OK. Alors, c'est pour ça qu'on là, on commence à préparer nos sorties de l'automne. Alors, par exemple, là, en septembre, on va aller à Québec. On essaie d'aller à Trois-Rivières. On est en train de booker ça. On aimerait beaucoup venir. Peut-être venir à l'université, non? On a beaucoup de spectacles ici. C'est pas quelque chose qui vous intéresserait, ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, on est en train de regarder ça. Il y a Sherbrooke aussi, puis là plus loin, Matane, Rivière-du-Loup, même Edmundston, sortir de la province même. Oui. Et pas pendant l'été, parce que ça, en fait, moi, je dirige un camp de vacances pour des jeunes filles de milieux défavorisés. OK. Et ben c'est un camp d'été, alors je peux pas travailler ouais, j'avoue, pour le Ben pendant l'été. Puis Mathéo, c'est pas mal la même chose, puis donc ça nous empêche là, de faire la tournée des festivals comme beaucoup de groupes le font. Donc, on parle à JP de la formation Zobrick, leur album Parlez moins, chantez plus. Justement, revenons un petit peu à l'album. Pourquoi Parlez moins, chantez plus? C'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, je te dirais que c'est parce que souvent, on trouve que les gens ont tendance à se perdre dans leur discours. Tu sais, on parle, puis là, tu finis par t'obstiner avec quelqu'un, puis là, on sort les grandes phrases un peu creuses. Puis là, au bout du compte, on se dit, bon, ben, écoute, on pourrait peut-être baisser nos mots, puis sortir une guitare. Ah oui, j'aime ça. Et ce serait pas mal plus pertinent. Quand tu composes une chanson, tu sais, tu penses longtemps à ton texte, tu penses, tu le revires et tout ça, puis c'est peut-être plus précis, puis ça veut plus dire des choses, des chansons que des longs discours creux. C'est bon. Puis aussi, c'est parfois, ça a plusieurs sens pour nous. T'sais. Parfois, c'est aussi juste de décrocher un petit peu de la vie en général. Prends une chanson puis décroche de ce que tu fais. Ça fait du bien. Ben, t'sais, parlant d'une chanson qui décroche de quelque chose, avec toi qui est sur le palmarès depuis 7 semaines consécutives, la pièce Avec toi, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi ça? Ben, en fait, Avec toi, c'est une pièce sur l'amitié. Mm-hmm. D'aller au bout du monde, là, c'est que l'amitié, dans le fond, c'est plus fort que ben des choses. Alors, c'est vraiment l'essence de Avec toi. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu pourrais me choisir une pièce de l'album Parlez moins, chantez plus pour qu'on la passe comme ça, pour vous plugger un peu? Écoute, une pièce que j'aime particulièrement, La galère et le patron. La galère et le patron, d'accord. Donc, la pièce numéro 6. Si je me comprends bien. Je sais pas. Petit côté, j'aurais pu faire ça en te demandant la prochaine question à la place. Est-ce que tu veux faire des plugs? Est-ce qu'il y a des façons d'en connaître plus sur Zobrick? Si les gens veulent se renseigner, s'ils veulent aller écouter vos pièces, qu'est-ce qu'ils font? Écoute, je te dirais www.zobrick.ca, qui est notre site internet. Alors, l'album, entre autres, est en vente sur le site. Sinon, le site MySpace, si vous allez sur le site internet, vous allez retrouver la connexion pour aller sur MySpace. Puis, on est dans une couple de médias là, de ce temps-ci à cause du lancement de l'album. Donc, mais via notre site internet, c'est pas mal là que vous allez trouver toutes les infos. D'accord, ben c'est ce qu'on va faire tout de suite pendant qu'on s'en va entendre la pièce La galère et le patron de l'album Parlez moins, chantez plus de Zobrick, JP Lejeune de la formation Zobrick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Palmarès. Merci à vous. Puis désolé, ma réception est moyenne. Je suis sur un cellulaire dans le fond d'un bois. Ben, nous, on t'entend bien, c'est ça le positif là-dedans. Right. Merci. Merci. Alors, un gros merci à vous, puis au plaisir de venir vous voir en personne. Oui, on veut vous voir à Trois-Rivières cette année, là. C'est important. C'est sûr qu'on va être là cet automne. Excellent. Merci. Au revoir. C'est la galère, y'a le patron, son air de bœuf sans condition. Et la journée, on voit pas la fin. Un travail de merde qui ne mène à rien. J'ai beau laver à la main. C'est la galère, y'a le patron. Une autre journée dans la vie de bion. Toujours ce travail abrutissant. Je sens la routine me suivre lentement. J'ai beau rêver à la mer. A tous les plaisirs de la terre. Sans enfants, sans éducation. Il reste la galère, il reste le patron. Il Et c'est pourquoi je dois continuer une vie de perdu dont on a sauvé. J'ai mon rêve. Zurich et la galère et le patron, une pièce de leur album Parlez moins, chantez plus. Je rappelle les adresses internet pour ceux qui veulent aller se renseigner sur JP le jeune et ses amis de la formation. Allez voir le zebrick.ca, zebrick.ca ou myspace.com/zebrickbordel. Zebrick bordel. Zebrick bordel, c'est ça. Pas pire quand même, c'est. Très gentil, le monsieur. J'ai bien aimé ça. En show, ça doit être très intéressant. Ils ont de l'air très ouverts, très humains. Ouais. Et ça déménage ce qu'ils font. Absolument. C'est comme. Pas pour pan, pan, pan. Ouais, exactement. Et j'ai aimé ce qu'il a dit aussi sur Montréal, dire Carlic, Montréal, ouais. C'est bloqué. C'est tout du underground, tu sais. Si tu veux. C'est pour ça que je leur ai demandé, sortez-vous. Parce que je pense que c'est ça le moyen. Ouais. Faut que tu sortes de Montréal. Faut que tu sois là, mais faut que tu sortes. Et voilà. Tu peux garder une présence là-bas, mais il faut que tu t'ouvres à d'autres choses que juste Montréal. Donc, très, très vrai. J'ai hâte de voir le futur pour Zebrick. Ça va être très bon parce que, c'est fou, ça fait plusieurs pièces qu'on a sur le palmarès. On a eu quoi? Je regarde les titres juste là avec toi qu'on va jouer plus tard. On a eu Les Trois Singes. On a eu Alicia. Et donc, ça va très bien pour vous. Oui. Voilà. On retourne à nos palmarès normales parce qu'après une pièce de Zebrick comme ça, faut se remettre dans le beat un peu. Même si ça va être beaucoup de beat. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Septième position du côté anglophone, on retrouve Joe Plaskett. Emergency avec Fashionable People, mais avant, voici la position francophone. Numéro 7, on a Air avec Mère du Japon. Ça va être bon, ça. Ah, ça va être très asiatique. Asiatique? Je te jure. OK. Je sais pas. Non. Ça va sentir bon, en tout cas. Hein? Ouais. Ben, je sais pas. Oui. Est-ce que tu sais quelque chose? Oui, je sais plein de choses. Ben, je connais la théorie de Taylor sur l'évolution des... C'est pas important, Mathieu. Moi, je sais que les gens à la maison, ils écoutent les palmarès, c'est fou. Oui. Au 89.1. FM. Uh-huh. Ah. Si. Hein? Oui. Thank you.

Non, moi non plus, je sais pas. Changeons de sujet à la place. Une bombe. Une bombe dans tes bobettes? Oui, ça, ça fait extrêmement tomber mal. Tomber en moto, ça fait mal. Ça. Tomber en moto, tu vas pas montrer encore ton... Faut que tu montres ça. Mondi live, on va voir ça en onde. On va voir mon... Voyez-vous, là? C'est profond. Mais il s'est fait enlever ses points de suture aujourd'hui. Ah ouais. Ouch. Ça a l'air que ça lui a pas fait du bien. Ça t'a pas fait du bien, DJ Kinkin? C'était pas si pire, le pied. Le pied, ça fait un peu plus mal, mais je peux vous dire c'est moins long les faire enlever que les faire mettre. Ah, ouais. Quand t'es plus mal en point, c'est plus long à attendre que quand t'es moins mal en point. Ouais, c'est sûr que. C'est ça qu'il a dit souvent. Ouais. Surtout qu'il n'y avait pas de morphine. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Vieille joke, tu connais-tu cette joke? Non, vas-y. C'est ça qu'il a dit. C'est genre quand quelqu'un dit quelque chose que tu pourrais interpréter sexuellement, tu dis, ouais, c'est ça qu'il a dit. T'sais. Ah, ouais. Comme dans le tableau, c'est ça qu'il a dit. T'sais. Ah. Ah, mettons, c'est plus facile de se la mettre quand quelqu'un, tu sais. Ah! C'est plus facile de se mettre que s'enlever. C'est ça qu'elle dit. Donc, c'est personne en particulier, par exemple. Hey, j'ai amené un de mes amis ici. Ouais? Voulez-vous que je vous présente? Présente-nous-le. Ben, c'est un de mes chums, il s'appelle Mario. Ok, j'aime ça. Okay. Mais ma blonde, elle l'haït, fait que là, j'ai pas pu le laisser avec elle. Mais là, je l'ai amené, mais je veux pas qu'il fasse beaucoup de radio parce qu'il est. Il est un petit peu spécial. Il est bien hyperactif. Hein. Julien, DJ King King. Il est vraiment spécial. Même s'il y en aurait un autre mot pour dire spécial, je pense qu'on peut l'utiliser. Ouais, mais OK, ben je vous le présente. Il est dehors. Je vais aller chercher. OK, c'est bon. OK, on se présente là. Salut, Mario. Hey, salut, man! Salut, Mario, hey! Salut! Ça hey, tabarnak, c'est fou, honnêtement, c'est malade, c'est. Parle mieux que ça à la radio quand même. Ah, hey, m'excuse, c'est parce que moi, je tripe bien gros, là. C'est malade ici. Il y a vraiment des couleurs partout. C'est beau. Hey, toi, c'est quoi ton petit nom? Mathieu. Hey, Mathieu, hey, toi, t'as des beaux cheveux. Merci. Ça, c'est vraiment une belle couleur de cheveux. Hein. Moi, quand j'étais dans un camp scout, un moment donné, on a fait un feu. Et à la fin du feu, il y avait cette couleur-là. Hey, salut, DJ King! Salut, Mario! Hey, toi, hier soir, là, c'était amusé avec un frisbee, hein? Oui, on a eu du fun, hein, Mario? Ah, ouais, c'était fun. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mario? Moi, je reçois des chèques tous les mois, mais je me suis acheté un pick-up. Un pick-up? Je me suis acheté un gros pick-up. Quelle couleur, le pick-up? Il est bleu, il est comme bleu et roux. Bleu et roux? Ouais. Il y a un peu de roux. Comme tes cheveux? Ouais. Plus comme de la rouille? Ah! Ah, il appelle pas ça de la rouille, DJ King, là. C'est plus comme... Ouais, c'est beau, Mario, là. Tu peux les faire, là. Ton pick-up, de toute façon, il est scrap. Hey, Simon, c'est quoi ça? Il est pas scrap, là. C'est une couleur... Hey, je vais vous montrer tout à l'heure, les gars. Vous allez voir, là, mon père faire un tour de pick-up, vous allez triper. Penses-tu que je vais avoir la même réaction que quand j'ai vu la cicatrice de King King? Hey, sa petite cicatrice, y'a rien, là. Moi, là, quand j'étais dans mon casse-coute, là, j'ai reçu comme un couteau suisse qui m'est arrivé direct sur l'orteil. Ça a coupé mon orteil. Clac, clac, chicalement, là. Ils l'ont pas recollé, là. Ils l'ont recollé sur place avec de la gomme d'épinette. Wow. Ah oui, y'a rien, là, son petit coupeur, là, avec une moto, là. Moi, en tout cas, on va dire, c'était assez malade. Ouais, c'est ça, Mario. Il a l'air fait fort, Mario, quand même. Hein? Ouais, il est un peu spécial, hein, buddy. Mais retourne reprendre ta petite bière là, au bord, là, pis... Hey, ouais, mais en tout cas, moi, je vais revenir vous voir. Merci, Mario. Salut, Mario, là. Hey, c'était Mario, hein? Ouais, c'est ça. Ma blonde, vous comprenez pourquoi elle tripe pas trop dessus? Pas trop souvent, Mario. Non, c'est ça. Il y a bien des histoires, puis c'est tout le temps un peu farfelu, mais... Ça tourne toujours autour de son pick-up ou bien de son orteil? Ouais, ben non. Son camp scout, il l'utilise, mon gars. Il arrête pas. Il doit passer sa vie là-bas. Là. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Je voulais présenter un de mes chums. C'est fait. Je suis payé pour être son ami. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Ah, on a pas eu Yeah! Voici Placide et la règle du jeu. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Je t'ai montré comment tu devais jouer. Et je ferai en sorte que tu ne triches pas. Devant tes yeux, tous les dés sont lancés. Je joue avec toi. Que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Tu

Metric avec Grow Up and Blow Away, la pièce titre de leur album le plus récent. C'est la sixième position anglophone, descente de 3 positions au palmarès. C'est fou. Et juste avant, c'était la sixième francophone. Avec Plasticine, avec la règle du jeu. La règle du jeu. C'est quoi la règle du jeu? Il aurait fallu écouter la toune pour le savoir. Oui. C'est le même que ça marche, ça. C'est de la musique, ça. Des paroles sur la musique, des fois. On est rendu à nos cinquième positions. Je vous rappelle que vous écoutez les Palmarès. C'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui avec Simon Belle-Rose, DJ King King Fanfan ou DJ King, comme on l'appelle. Hein? Comme les gens le veulent, dans le fond. C'est ça. Tant qu'on l'appelle pas Mario, on s'entend-tu? Que, ouais, c'est ça. Et Mathieu Plante avec. Oui, ben oui, le best. Arrête-moi ça. Tous les vendredis soirs de 17h à 20h et en rediffusion les jeudis à 14h, on dit bonjour à nos amis de la rediffusion. Hey, allô. Ben salut les gars, vous faites vraiment une bonne job. Ils sont là, bons, sérieusement. Ils font la même émission que nous autres. Ouais, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Ouais. Je leur dirais Wow! Wow, that's great! Puis là, ben, je sais pas, par exemple, je sais pas si eux autres, quand ils vont répéter cette émission-là, est-ce qu'ils vont dire « Je salue les gens du vendredi » Je sais pas. Est-ce qu'ils vont aussi dire « Je salue les gens du jeudi » Je sais pas non plus si... s'auto-salue. Moi, je pense qu'ils prennent le script de l'émission du vendredi soir, puis ils leur lisent tel quel, puis qu'ils s'en foutent complètement. Hey, moi, dans mon casse-coute, en tout cas, là, ce qu'on faisait, c'est quand on faisait une rediffusion, mettons, d'un camp, ben là, on la refaisait vraiment au complet, on l'écrivait sur une feuille, sur une feuille d'arabe. Ouais, c'est beau, Mario. Julien, veux-tu... Ouais, je vais le faire sortir. Ouais. Gifle-le avant. Ouais, je pensais qu'il reviendrait pas. Là. C'était... Non, mais on va c'était boire la porte. Une erreur. Ah, mais tu... Mario, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. C'est pas parce que tu barres la porte qu'il est pas capable de trouver une façon de l'ouvrir. C'est ça le problème, ouais. Il fait qu'est-ce qu'il veut. C'est ça. même si c'est pourtant de la réalité. On est rendu aux positions numéro 5. Waouh! Ça Woo! Va bien, hein? Ça va très très bien, même qu'il est déjà moins quart de l'heure qui suit. Là. Oui. Hein? Ou est 45 de l'heure qui précède. Tout à fait. C'est ça. Hey, toi, des maths. Hein, maths? Des maths? Hein, maths? Des maths? Hein, maths? Maths, maths, des maths? Hein, maths? Maths. Bon. Si. C'est là. Ça va faire, on est donc bien. Mais non, mais c'est comme juste du plaisir en boîte, là. Puis, en canne plus, mais ouais. Puis je vous dirais même que juste pour rire, d'ici 4 minutes, on devrait pas être là. Juste pour rire. Ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Hey, tu savais, j'ai été voir le festival Juste pour rire? Non. J'ai été voir le show de Marc Labrèche. OK. Un show qui était très européen et français. Parce qu'il y avait beaucoup de Français. Okay. Et c'était malade. C'était bon quand même? C'était très bon, oui. Les Français sont bons. Ils sont pas tous bons. Mais je pense qu'il y en a qui débutaient, qui étaient en début de carrière. Eux autres, ils avaient plus de difficultés parce qu'ils étaient tellement stressés de jouer au Québec, qu'ils parlaient tellement vite. Avec l'accent, au bout d'un moment donné. Là, tu décroches un peu. Il y en avait un, là... je peux vous faire une petite imitation. Il était comme... ouais, là, je suis arrivé. Ma belle-mère m'a dit, ouais, mais là, il s'est passé. Et oui, il est là. Et là, c'est t'es supposé rire, mais t'as pas compris parce qu'il a comme parlé trop vite. Je sais pas si, mettons, Mario défonçait la porte, revenait et faisait l'imitation de l'humoriste français. Je me demande ce que ça donnerait. Je sais pas, hein, mais il a peut-être jamais fait ça. Non? Ben, DJ King, va chercher. Alors, on va chercher. Oh, ça vaut-tu la peine? On attend. Oh, ça va. Ben, ça doit pas être. Ah, oh, là. Ah. Il se fait gros. Ouais. Ben, fais une imitation de français. Vas-y, Mario. Ah, mais là, c'est comme quand on a été voir le show, Simon? Ouais. Ben, tu sais, le show, il est français, là. Tu sais, le gars qui parlait trop vite. Ah, ouais, ce gars-là, là, ouais. Ah, il était malade, lui. Je vais vous montrer ça. OK, lui, il est arrivé sur scène. Là, on dirait qu'il parlait comme trop vite pour ce qu'il disait. Fait que là, allez, voulez-vous que je fasse une imitation? Vas-y. OK, mais là, il est arrivé, puis il avait... ouais, un peu cher, ouais, je suis arrivé là, oui, là. Ah, il était malade. Fort. Ah, c'est pas mal ça, Mario, hein? On s'y croirait. Quand ouais. Si Mario nous l'a fait, ben j'aurais pas compris. Mais non, mais c'est ça, il est prêt. Maintenant. Hey, Mario, retourne à Molson X. Hey, bonne émission, oui! Il est malade, là, il faut plus l'amener ici. Fort. C'est génial, ça! Donc, ouais. Merci Mario. Maintenant, c'est l'heure du bloc en haute définition. Bloc en haute définition cette semaine. Comme toujours, les classiques qui ont marqué l'histoire, les annales. C'est ce qu'il a dit. C'est cette semaine, on commence par la formation Finch. L'album s'appelle Say Hello to Sunshine. Et voici tout de suite la pièce Bite Marks and Bloodstains au blocage définition des palmarès. C'est fou, 85. Tell me, lover, what will become of me? Venant le déclosion de Stéréolab dans le bloc en haute définition. Les palmarès, c'est fou. Bloc en haute définition qui vous présente des bons vieux classiques que c'est fou vous en faire depuis les dernières années. Donc, comme je disais, Stéréolab, leur album, c'est Margarine Eclipse. Et la pièce était Venant le déclosion. Juste avant, c'était Finch avec de leur album Say Hello to Sunshine, la pièce Bite Marks and Blood Stains. Tous de grands succès, les palmarès. N'est-ce pas, les gars? Oui. Est-ce que c'est toujours, c'est toujours très... hardcore ou ben ça veut rien dire? Ben quoi ça? Est-ce qu'il faut que ça soit hardcore si, tu fais jouer de la musique en haute définition? Non, non, de la musique en haute définition, c'est juste parce que c'est simplement un rappel de l'ancien temps. C'est ça. Exactement, c'est juste des vieux classiques. Ça n'a aucun rapport avec rien. Ok. Cool. Un peu comme la fin de la deuxième heure des palmarès, il faut qu'on résume pour vous à partir des positions numéro 8, francophone et anglophone. Commençons par le côté francophone, Simon. Oui, du côté francophone, 8e position, on avait Tricot Machine avec L'Ours, qui a fait une remontée de 2 places. Il y avait en 7e position Air avec Mère du Japon, qui a descendu de 3 places pour sa part. Il y avait Plasticine en 6e avec La Règle du Jeu. 5e position, on avait O-Lina. C'est ce qu'on s'en va entendre tantôt, j'ai oublié de avec, te dire. Non, mais c'est vrai. Moi, quand je suis parti, tu sais, j'arrête pas. C'est ça qu'a dit! Yes, c'est bon pour moi, ça, c'est bon pour moi. Faut vraiment l'avoir. Je pense qu'on avait joué nos numéros 9 dans la deuxième heure aussi, pas que vous en rappeliez sûrement à la maison, on s'en fout un peu, mais quand même, la 9e francophone, c'est National Park, c'est Border Patrol. Du côté anglophone, et là, ne rions pas. Non, c'est parce que t'étais pas là la dernière fois, je me suis très amélioré. Ah, ben beaucoup, essayons, même. D'accord. Position 9 à 6. 9, ça, National Park avec Border Patrol. En 8e position, Symphony X avec Eve of Seduction. En 7e position, Joel Blasket Emergency avec Fashionable People. Kim, il est bon, ben là! Oui. En 6e position, Mitrick avec Grow Up and Blow Away. Wow, je suis impressionné officiellement pour vrai. Prends-tu des cours du soir, DJ King? J'avais dit pas d'en parler des cours du soir. Ah ouais, mais là, je savais pas, moi, là, tu me l'as pas assez dit. Là. Ben, la blague est gâchée, tu sais. Il prend des cours avec Mario. Hey, tantôt, on fera parler Mario en anglais. Bro. Ben ouais, on y fera faire les deux dernières, là, mais pas trop longtemps, hein, parce que. C'est ça qu'elle a dit! Les palmarès, c'est fou! C'est la troisième heure des Palmes pour la semaine du 3 au 9 août 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Simon Bellerose. Et je m'appelle DJ King King Fanfan. Bonjour à la maison, où que vous soyez. Oui, à la maison, dans l'auto ou dans la piscine. Oui, il y en a qui sont dans la piscine. Ouais, c'est vrai ça. Et nous, nous sommes dans un sauna. Oui, vraiment. il manque les petites briquettes et puis ouais. Les gouttes d'eau là, qui la vapeur, puis ça. Ça manque, ça. Mais la chaleur est ici. Ah, la chaleur est là. La chaleur est là. Elle est bien fine d'être là. Je pense que j'aurai perdu quelques kilos d'ici la fin de l'émission. Ah, on va te faire manger plus. D'accord. Dans cette troisième heure, vous allez entendre la musique de La Baroque Machine, de La Loi des Cactus, Jacques Maur, The Brick, Olinéa. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vite comme ça, Klaxons? Okay, Megadeth? Pride Dagger? Peut-être, si les gens sont fins. Moi, je dirais aussi Shit Disco. Shit Disco! Ça c'est un beau nom. Ça va être génial comme troisième heure. Hein? El caca des discothèques. Voici la position numéro 5. C'est ça qu'elle disait, hein? Ouais. C'est ça qu'elle a dit. Ah, ça va faire? Oh! Non. Ça prend un petit bout. J'avais pas dit la bonne phrase, tu sais. Quoi? C'est ça qu'elle disait, tu sais. Ben, ça, c'est qu'elle dit. C'est ça qu'elle disait. Ben oui. C'est parce que j'ai conjugué. Tu as le droit de changer le temps du verbe, là, Simon. Ouais. Fais pas ton Mario avec nous autres. Je m'excuse. Il sombre et c'est plein de doigts pour te couler. Tu es la pâle. Foncez, vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. We'll les souris, de t'avoir les embarrés. Face à face, tes yeux fermés. Qu'elle est donc sans pitié, hein? Elle n'a pas. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas. C'est ça qu'elle dit. En tout cas. No pétire. No pétire. Petit temps libre. No pétire. No pétire. No pitié. Ah! OK. Pour les gens qui savent pas trop conjuguer leur verbe, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey! Oh, oui, oui! Hey, les gars, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Vas-y. Avec vous. Questionne-nous. Questionne-nous. J'ai essayé de faire ça dans l'ordre, là. C'est un petit peu difficile à gérer comme site, mais quand même, je vais vous nommer les 10. C'est le top 10, OK? Selon crack.com. Le top 10 des vedettes qui appartiennent à la scientologie. OK. Vous connaissez la scientologie, là, ouais, ouais. La religion, le culte. Un peu, ouais. À peine. Ouais, à légèrement. Tu sais qu'on est des stars, nous, on est peut-être dans le top 10. Peut-être. On a peut-être de la famille là-dedans, on le sait pas. Peut-être. On sait pas, ça pourrait arriver. On demandera pas de questions là-dessus parce que okay. Ça pourrait gêner en nom. Numéro 1, Charles Manson. Quat? Le meurtrier, voilà, qui a demandé aux gens de tuer d'autres gens. Il était scientologiste. C'est vrai. Il est mort, lui. Es-tu mort? Ben, demande pas des questions que je connais pas réponse, là, mais je sais pas, peut-être qu'il est mort. Peut-être pas mort, mais il a tué pas mal de monde. Là. Ouais. Donc il ça compense. Être mort. Ouais, c'est ça. Numéro 2, Jerry Seinfeld. Là, ça m'attriste parce que j'adore Jerry Seinfeld. J'adore son émission, Seinfeld. C'est ça. Ben, ça m'attriste. Là, j'ai peut-être laissé passer une opinion. Ouais, mais tu sais que les gens qui ont beaucoup d'argent, Mathieu, ils cherchent un but dans la vie et quand ils en trouvent pas, ils s'en vont dans la scientologie. Donc, Jerry Seinfeld, celui qu'on connaît pour ses blagues qui ont rapport avec des affaires de tous les jours, comme les cacahuètes dans les avions. Numéro 3, Sonny Bono. l'ex-mari de Cher et congressman républicain aux États-Unis. Sonny Bono est scientologiste, c'est vrai. Ah. Numéro 4, Bart Simpson. C'est la raison que Bart Simpson est sur mon écran ici. Donc, ouais, techniquement... Mais... Non, on parle pas de Bart Simpson. On parle de la voix derrière Bart Simpson, Nancy Cartwright. Hein? It's a girl. Wow, attends une minute. Tu vas pas me dire que tu savais pas ça, Ben. Ah oui, je savais. OK, de chance. J'espère. Chance. Tu tiens tout, hein? Encore une fois, on ne demandera pas trop de questions là-dessus. Numéro 5 de notre top des... Mario. C'est Mario. Isaac Hayes, que tu connais peut-être comme la voix de chef dans South Park. Et, oui! Et le gars qui chante la chanson thème de Shaft. Oui. Check your mouth. Let me smell your mom. Non, ça, c'est pas lui qui chante. I wanna make love with you tonight. Numéro 6, si vous écoutez l'émission 70 à Vrac TV, celui qui joue Hyde, Danny Masterson. 70s! C'est chaud. Numéro 7, personne ne connaît au Québec, une animatrice de Fox News Channel qui s'appelle Greta Van Susteren. Boring. Numéro 8, Beck est aussi anthologiste. What? Vrai. Et puis, là, je crois qu'il faut retourner vers la fin. Est-ce qu'il nous en reste un? Je crois que je sautais par-dessus. Oui, c'est ça. Je sautais par-dessus le numéro... Peu importe. Numéro 10, personne ne le connaît non plus. La vedette de l'émission My Name is Earl, Kevin... Jason Lee. Il a participé aussi à des films de Kevin Smith, dont Clerks. Ah, ben c'est oui. C'est le gars avec la drôle de moustache. Oui. En tout cas. Et finalement, le numéro 9, c'était Léa Remini qui joue dans King of Queens, en tout cas. Donc, c'est selon Crack.com, le top 10 des vedettes qui sont en secret dans la scientologie. Certaines qu'on connaît au Québec, mais Tom Cruise n'est pas là-dedans. C'est parce que toi, c'est en secret. Ah, c'est en secret. Parce que les autres, c'est Tom Cruise, puis l'autre, c'est qui? Pas John Travolta. Ben ouais. L'autre, le gars, le petit, le clin-clin. Davito? C'est ça. Ben ouais. C'est ça? Non. C'est qui? Non, mais là, c'est plus secret, c'est comme pas... Non, mais non, c'est secret, ça. Mais c'est quelque chose que ces gens-là ne disent pas en public d'habitude. OK. Mais les études que ces gens-là ont fait ont découvert ça, voilà. Qu'est-ce que ça dit? C'est quand même bien, hein? Ben, c'est le fun. Maintenant, ça va entendre back-to-back notre position numéro 5 anglophone, Pride Tiger avec Let 'Em Go. Et nos quatrièmes positions, quelles sont-elles? Du côté anglophone? On y va-tu du côté anglophone? Hey, là, on a parlé tout à l'heure, El Caca Disco. Shit Disco. Avec I Know Kung Fu. Et juste après, on va entendre Jacques Mort avec Feu Follet. Mais tout de suite, voici Bright Tiger et Let 'Em Go au palmarès, c'est fou! You'll get- la palmarès, c'est fou, 89 jusqu'à 20h. Conversation, booty construction, push out with me in your introspection. Insurrection, no protection, I try to hide my erection. I say one, two, one, two, I know kung fu. They only read between the lines, but they can't read you. They watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, boo. Now you know what to do. Hey, c'est un beau mouvement de va-et-vient que tu fais là, Simon. C'est ce qu'elle a dit. I know Kung Fu! De la formation Shit Disco à No Kung Fu. Quatrième position du palmarès anglophone. En montée d'une position. Ah oui, il monte. Cinquième la semaine passée. C'est vrai. Et juste avant, c'était Jacques Mort avec Feu Follet qui remonte de 4 positions pour venir se loger en 4e position francophone. Écoutons, Pascal Picard n'est plus dans le palmarès? Ça fait plusieurs semaines. Ah, mais c'est vrai, ça fait 2 semaines que je suis pas venu. C'est ça qu'elle a dit! C'était pas préparé. Non, du tout, ça avait pas l'air à ça partout. C'est tellement bons acteurs, ça. Mais bien sûr, mais ça, cela fait plusieurs semaines, Simon, oui. qu'elle n'est plus dans les palmarès. Mais cela fait 2 semaines que je ne suis pas venu. C'est cela qu'elle a dit. Toutoum. Position numéro 3 qu'on est rendu maintenant. Et en fait, je regarde ça là. Hein, oui. Le numéro 1 a descendu, c'est ce qu'elle a dit. Elle a descendu. Non, elle a descendu. La fille aurait dit, elle a descendu. Oh! Non, elle était bonne. Elle a descendu. Oh! Non, on va un petit peu trop loin avec ça. On gratte le fond du tiroir. Oh, la joke a été utilisée de fond en comble. C'est ça qu'elle a dit. Oh. Non. Oh, là, fond en comble. Tu as fait le tour, comment? Ah, vierge. Vierge. Vierge, la chienne. Oh! OK, donc on disait. Numéro 3, donc du côté francophone, qui descend de 2 places, c'est Robo Academy de la Baroque Machine, qui sera suivi à l'instant après. Hein? Right after, avec le 3e position anglophone. Alors, c'est le Megadeth, à tout le monde. À tout le monde, à tous mes amis. À tous mes amis, je sais pas parler français. Si? Hein? C'est ça? Ouais. Si? Yeah, si. Yeah, on va faire... Je vais faire autre chose pendant ce temps-là. C'est ce qu'elle a dit. Écoutez les plus heureux, c'est fou, 89. La baroque machine et klaxons au palmarès, c'est fou! Don't remember where I was. I realize life is a game. The more serious I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out a little, I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's I'm croire que c'est un beau poème. Ça, c'est une reprise, hein, Mathieu? Une reprise d'eux-mêmes, ouais. Ouais, ils sont vraiment bons de se reprendre. Ça prend beaucoup de talent. Ouais. T'sais? Parce que pour leur faire de la bonne façon. Ouais, pour leur faire dans le même esprit, dans la même manière, ouais. Genre. On est en. Attends, résumons nos pièces avant de placoter, là. Garde, c'est garde. Du côté anglophone, on vient tout juste d'entendre Megadeth avec À tout le monde qui remonte d'une place 7e semaine de présence pour leur album United Abominations. Et juste avant, on avait la Baroque Machine avec Robot Academy. Lancé numéro 1. Oui. Et une perte de 2 points. Et voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il parle d'explosion, ça me rappelle, oui. Parce que ça fait genre 30 secondes, donc je m'en rappelle encore. C'est comme un buffer de concert. On parlait de gens qui n'aident pas les gens. Parce que bon, DJ King King, oui. Hein, il y a eu un accident, oui. Là, il s'est fait mal en moto, c'est ça. Bon. Oui. Il y a un petit peu des cicatrices, tout ça. Puis là, tu disais que... Raconte l'histoire un peu. C'est ça, dans le fond, moi, je reste au centre-ville, fait que je vais au restaurant à mon frère, qui est pas très loin, ça prend 5 minutes. Le Charlot! On veut pas faire de la publicité, mais... Mais non. Le Charlot! Le Café Bistrot Le Charlot est un très bon endroit pour aller prendre un verre. Mais comme je disais, juste en me rendant au Charlot, je me suis fait arrêter 2 fois pour me faire aider, parce que je boitais, puis j'avais... On dirait que je venais de saigner, mais c'était arrivé la veille. Puis j'étais quand même surpris que le monde arrête pour m'aider. Exactement, parce c'est que moi, je pensais que la majorité du monde était vraiment très, très égoïste. Et même si t'es à terre en train d'avoir une crise cardiaque, personne ne va venir t'aider. Ça. Ouais. Tu fais un peu peur quand tu y penses. Ouais, hein, c'est... Mais c'est ça, moi, j'étais revenu, dans le fond, avec le point que des fois, t'aides quelqu'un, puis tu l'aides pas vraiment. Sans le vouloir, tu le blesses plus. Et les personnes peuvent revenir contre toi. Exemple, mettons, t'aides quelqu'un dans la rue avec, je sais pas, problème de respiration, n'importe quoi, ouais. Tu bouges un peu ou quelque chose, tu et lui, le dos, ouais. Il te revient et te poursuit. Comme DJ King, tu l'arrêtes, tu dis « Hey, tu boites, veux-tu que je te porte? » C'est ça. Alors, tu le prends dans tes bras, tu le portes, tu te déplaces mais tu lui rouvres la jambe avec tes ongles pointus. Ouais. À ce moment-là, il peut revenir contre toi. Ouais. Et il a fait 2000$ la semaine passée avec ça. Eh oui. Puis ça m'avait rien coûté me blesser, là. Fait que j'ai fait 2000$. Profit pur, c'est ça. C'est direct dans la poche. C'est ça qu'elle a dit. Parce que c'est une prostituée. C'est direct dans la poche. Dans la poche. Direct dans la poche. Raconte-moi l'histoire que tu m'as racontée tantôt. Bon, tu sais que le gars il était en forêt. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, c'est deux gars qui étaient en pick-up. Ils revenaient en forêt. Ils étaient des bûcherons et il y avait tout leur kit. Et ils font un accident de véhicule. Et le chauffeur, sa jambe est prise dans l'accident. Il est pris là, dans le pick-up. Et le pick-up brûle. Donc, le deuxième décide de, par intelligence et par logique, de lui couper la jambe avec une chainsaw pour réussir à le libérer de là, parce que c'est le seul moyen. Et le camion a explosé par la suite. Donc, le gars serait mort, la victime. Il serait mort. Et finalement, celui qui s'est fait couper la jambe est revenu contre l'autre parce qu'il avait coupé la jambe. Mais il a sauvé la vie. C'est ridicule, ça n'a même pas d'allure. C'est une question d'avoir un meilleur avocat qu'un autre, là. Ben, c'est ça. C'est ridicule aussi. On avançait l'idée que sûrement que c'est l'avocat qui a dit au gars, hey, tu pourrais te faire de l'argent. Puis, ben, peut-être. Je sais pas. Tu sais, moi, je me dis, la majorité de la population, si tu leur demandais de stouler leur ami pour de l'argent, ils diraient oui. Probablement. L'argent mène au monde. Ça n'a pas d'allure. C'est triste. Très triste. C'est-tu qui est pas triste, par exemple? Le palmarès. C'est ça? Ah oui! C'est vrai! Voici avec toi la position numéro 2 francophone des palmarès! C'est fou! Hey, restez là tantôt, je vous donne un CD de The Brick. Je vous le donne, il est là! It's what? For you! So what? It's free! Brand new CD! Avec ce sur la lune, on va toucher au soleil. À Chamon dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec toi j'ai fait la guerre, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour, jusqu'au petit matin. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même endormi je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec Je dans ce monde de poussière et de sang. Je me sens capable de le prendre et d'y faire face pour un instant. Avec toi si tu veux, on va parcourir la terre, puis faire chanter ses louanges, puis faire vomir ses enfers. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même en temps où je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tu m'arrêtes, je continue avec toi. Je pense que je sais pas si ça commence vite cette semaine. Je sais pas. On voulait faire un sketch de porte-voix. Ça tombe mal. On dirait que plus on va vite, moins on a de temps. Ça, vas-y. Et voici la deuxième position francophone au Palmarès CFU 89. C'est anglophone, mais c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est anglophone. D'accord, c'est anglophone. On pourrait faire toute une conversation avec le gars en porte-voix. Est-ce que c'est francophone? Mais Mario, tu penses que c'est francophone? Ah ouais, c'est vraiment francophone. Non, c'est anglophone. Just be kind. The Klaxons. Avec Two Receivers, la position numéro 2 anglophone, l'ancien numéro 1. Donc, encore une fois, nouvelle position du côté anglophone, autant que du côté francophone, c'est surprenant. Oui, côté francophone, juste avant qu'on avait Zébrick, qui était en entrevue plus tôt dans l'émission. C'est vrai. Avec toi. Et tantôt, je vous l'ai dit, je tiens ma promesse, oui. Ça arrive. Oui. J'ai un CD de Zébrick avec moi en studio et je veux le donner à quelqu'un. Oui. D'accord? Donc, tantôt, on va donner un numéro de téléphone. Vous allez nous téléphoner, on va vous le donner, ça va être la fin. Okay. Ça va être parfait. Mais avant, j'ai envie de discuter un petit peu. On a à peine un petit peu de temps libre. Voici donc ma chronique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Okay. Le plancher. Voici notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. Ouais! Ça fait longtemps, ça doit faire 6 mois. On est sur la dedans, nous autres? Non, oh. On n'est pas assez stupides. Autre que par le nom de la chronique qui dit stupide. Vous avez aucun lien avec ça. On commence par la compagnie Aquafina. Nouvelle qui m'a surpris cette semaine. L'étiquette sur les bouteilles d'eau Aquafina vont devoir être changées pour dire que l'eau vient vraiment de l'eau du robinet. C'est ce que la marque a dit vendredi dernier. Donc, un groupe qui s'appelle Corporate Accountability International faisait de la pression sur la compagnie pour le faire. Aquafina est la plus grande compagnie de bouteilles d'eau au monde et ses bouteilles ont l'étiquette PWS, qui veut dire Public Water Source, source d'eau publique. Mais les gens PWS, ça veut rien dire, à moins qu'on vous le dise. Ouais. Donc, PepsiCo a répondu, le porte-parole a dit, si ça peut aider à clarifier le fait que l'eau vient de source publique, alors c'est raisonnable de le faire, de mettre l'étiquette que c'est de l'eau publique. Le même groupe de Corporate Accountability fait des pressions maintenant sur Coca-Cola pour que Dasani, sa marque d'eau, fasse la même chose. Et je cite, c'est Coca-Cola qui cite, OK? Nous croyons pas que les clients sont confus et je crois qu'ils savent d'où vient l'eau d'Assalim. C'est pas sûr. Pas sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, l'eau? C'est pas vrai. Non, mais je veux dire, le client se rend pas compte que ça vient d'un robinet ou pas. Là. Le gars, il arrive au dépanneur et il veut de l'eau. C'est ça. Fait que, il veut de l'eau frappe, dans le fond. C'est ça. Exactement. Ben, ça, c'est la seule bonne raison d'acheter de l'eau. Mais on se fait avoir complètement. Absolument. Amène ta propre bouteille d'eau dans le congélateur. C'est comme si, mettons, tu fabriquais des chips, mais tes chips, t'es payais pas et t'es vendais. C'est ça, là. Parce c'est que pareil, payes... pareil, pareil. Ah, c'est le meilleur exemple que j'ai jamais entendu. Voyons donc, les gars. Hey là, c'est voyons donc! Ah, ok. Hein? Des fois, ouais, meilleur exemple, on va aller chercher Mario. Non, c'est beau, ça va aller. Ouais, c'est ça. Moi, j'achète de l'eau, mais avec de la saveur. Tu vois, c'est une bonne raison d'acheter de l'eau. Parce que ou de l'eau pétillante, parce que tu peux pas pétiller ta propre eau à moins de peut-être de l'eau. SodaStream! SodaStream! Oui, une machine qui fait des pétillements. Il te fait du pétillant. Bon, on continue notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides avec une ville qui s'appelle Paterson dans le New Jersey. Écoutez bien ça, c'est très très drôle. Daisy Valdivia, donc, s'est fait voler sa piscine dans sa cour arrière et a été étonnée en voyant que les criminels ont laissé aucune goutte d'eau derrière, aucune trace des 1000 gallons d'eau que la piscine contenait. Valdivia s'est réveillée donc pour trouver la famille, la piscine gonflable de la famille, 10 pieds de diamètre, était partie de sa cour arrière mercredi dernier. Donc Valdivia a dit au Record de Bergen County que le vol a dû arriver entre 1h du matin et quelque chose de 2h du matin, alors que son mari était couché. Bah. Donc elle se demande comment c'est que les gens ont réussi à ne pas mettre d'eau nulle part. C'est ça la traduire ça. Il y a aussi la fille a dit qu'ils ont deux grilles, des chaises de patio, des parasols et tout ça. Et tout ce qu'ils ont pris, c'est la piscine en tant que telle. C'est bizarre. Mais voyons, Mathieu. Quelles sont vos théories? Ça doit être Aquafina qui a embouteillé l'eau. Ouais, c'est ça. Fait que faites attention. Aquafina d'Assani, les prochaines bouteilles d'eau qui vont sortir vont être chlorées. Ouais. Très chlorées. Ça vient des États-Unis, dans la piscine. Ben voilà, c'est le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. Parce que c'est sûr que ton gazon n'absorbe aucune goutte d'eau! Non! Never! Maintenant, c'est voici. C'est ça qu'elle a dit. J'avais oublié ça, là. C'est mal. On est rendu à notre numéro 1 anglophone parce que dans quelques minutes, c'est la dernière porte à gauche le vendredi soir à 20h. Kiwan va être là dans quelques minutes pour nous en parler. Mais tout de suite. C'était pas ça, là. Il fallait pas récapituler avec Mario? C'est dans quelques minutes, ce soir. Ouais. Okay. Ça s'en vient. Sois patient, Mario. Mario? Il est pas là, pareil. Non, mais je parle à travers la porte. Mario? Je pense que t'es à la bière. T'es à la bière? Ah, il est souvent allé, Mario. Tu sais de l'enlever de là. C'est ça qu'elle a dit. travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Avec Under the Sky. Yeah! En deuxième position la semaine dernière et maintenant en première position, c'est Mario qui vous le dit. Il nous reste seulement le numéro 1 francophone, mais avant, Mario va nous aider à faire la récapitulation. Ouais, je vais faire ça. Alors, on avait en cinquième position Pride Tiger avec Let Him Go. On avait en quatrième position, on avait Shit Disco avec I Know Kung Fu. On avait Megadeth en troisième position avec À Tout Le Monde. En deuxième, on avait Klaxons avec Two Receivers. Puis en première, ce qu'on vient d'entendre, Mathieu, The Answers avec Under the Sky. Le côté anglophone, merci Mario. Côté anglophone, DJ King. Numéro anglophone, excuse-moi. Numéro 5 à 1 anglophone. Ouais, en cinquième position, Olinéa avec Lame de Fond. En quatrième position, Jacques Mort avec Feu Follet. En troisième position, La Baroque Machine avec Robot Academy. En deuxième, Zébrick avec Toi. Et la première position, on le sait pas encore. Oh, on va attendre un petit peu, mais avant, on va parler à Kiwan parce qu'il anime la dernière porte à gauche les vendredis soirs à partir de 20h. Bonjour, Kiwan. Bonjour, ça va bien? Salut, man, ça va? Hey, enchanté, Mario. Hey, salut! Hey, J'ai vu ton pick-up dehors. Ouais, tu l'as vu? Là, il est vraiment incroyable. Il est nice, hein? Ah, incroyable. Je vais y acheter des Macs bientôt, ça va être malade, là, des spinning wheels, là, qu'appelle, là. Je vais acheter ça. Yes. OK, donc, Iwan, qu'est-ce qui se passe à la dernière porte à gauche ce soir? Ce soir, à la dernière porte à gauche, je vais parler entre autres du Festival des Nuits Blanches, parce que la semaine passée, vous aurez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas de dernière porte à gauche, parce que j'étais au Festival des Nuits Blanches au Saguenay, à Lance de Roche. Alors, je vais parler de ça, quelques spectacles que j'ai aimés ou pas aimés la semaine passée à ce festival. Génial, ça va être à la dernière porte à gauche. C'est quand ça? C'est dans quelques minutes si vous écoutez en direct le vendredi soir à 20h, ou sinon, c'est en rediffusion les mardis et samedis à 17h. On sera là comme toujours. Merci Kiwa, merci à DJ King, merci à Simon Belrose. De rien, à la semaine prochaine. J'espère. Oui. On se revoit tous, c'était très très fort ce soir. Est-ce qu'on peut battre ça? On va voir. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je voudrais juste dire aux filles au centre-ville, si vous voyez mon pick-up, il n'y a pas de problème, faire un tour. On se laisse avec notre numéro 1 francophone remonté d'une place. Voici La Loi des Cactus et Babylon Resistance Sound System de la part de DJ King, Simon Belrose. Je m'appelle Mathieu Plante. Bonne semaine bonne chance. C'est ce qu'elle dit. Ouais, moyen un peu. And I relax while out your life tough. Babylon, your schemes we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go be you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me.